Merci beaucoup. Donc, je crois tout de suite, je donne la parole à la salle. Si vous avez des questions à poser, si vous avez même des questions à poser par rapport aux interventions de la première partie de la matinée, n'hésitez pas à le faire, puisque Delphine Carnel a eu la gentillesse de rester avec nous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors, Pascal Verdier, est-ce qu'il y a un micro volant qui peut. Merci. J'ai idée de la question de Madame Verdier, parce que je comptais poser la même au président d'AEL, donc je pense qu'elle va se... Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, effectivement, par rapport aux établissements culturels. Notamment, donc, pour tout ce qui concerne... Pardon, pour l'ensemble de... Je vous ai donné votre nom, mais présentez-vous pour l'ensemble de... Pardon, je suis Pascale Verdier, la directrice des archives départementales du Bas-Rhin. Alors, j'ai une vraie question qui est déjà le cas aujourd'hui, en fait, par rapport aux établissements culturels, autres que les archives, que je connais bien. Parce que le champ de la réutilisation, en fait, découle de la loi dite CADA, qui est celle de l'accès aux documents administratifs. L'article 1 de cette loi définit ce qu'on entend par documents administratifs, procès-verbaux, rapports, circulaires, enfin, de mémoire, je ne sais pas, compte-rendu, etc. Et quand on lit cette définition et qu'on la rapproche de celle du Code du patrimoine des archives, il y a une similitude tout à fait intéressante. Le document administratif est une partie des documents d'archives. Bien. Alors ça, je comprends très bien. Après, là où je comprends un peu moins bien, c'est que dans les bibliothèques et dans les musées, on ne parle pas de documents administratifs. Il s'agit de documents... On a évoqué la question ce matin, protégée par le Code de la propriété intellectuelle, mais à la limite même, peu importe. Ce ne sont pas des documents, même s'ils sont tombés dans le domaine public, ou peu importe. En tout cas, ce ne sont pas des documents administratifs. Donc la première question, et c'est une question qui agite énormément les forums de bibliothécaires, parce que je traîne un peu sur la toile sur cette question de réutilisation, essayant de porter la bonne parole, un peu en vain d'ailleurs, et je constate que ça passionne vraiment les bibliothèques, beaucoup plus à mon avis que les musées. Alors, c'est vraiment, moi du coup, je ne comprends pas en quoi consiste l'exception culturelle pour les... En quoi les musées et les bibliothèques sont concernés par l'article 11 actuel. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément clarifié dans la nouvelle directive. Alors, si maintenant, si on veut absolument que les musées et les bibliothèques soient intégrés à ce régime de réutilisation, d'après moi, il faut je ne suis pas du tout juriste, mais à ce moment-là, il faut retravailler la notion de document administratif, et alors plutôt parler d'information publique. Voilà. Mais en tout cas, en l'état, ça me semble poser une réelle difficulté. Bien, c'était une bombe qu'on m'avait annoncée. La formulation la plus explosive de la bombe, c'était « Est-ce que la Joconde est un document administratif ?» Alors, ma première réaction... L'injure était lancée. Et ma première réaction de citoyen plus ou moins cultivé était « tout, vous rigolez, la Joconde, un document administratif. » Alors, en fait, la question est plus délicate que ça, et je vais vous dire, mais je vais répondre. Je vais répondre à cette question qui, depuis que, absent pendant le week-end, j'ai trouvé le message de M. Ricard, qui m'avait réservé ça pour mon retour, mais qui avait déjà un peu posé cette question lorsque vous étiez venu me voir. Avec... Et donc je vais répondre, je crois qu'on a, des solutions. Alors, la base du système, c'est quand même la distinction entre l'accès et la réutilisation, étant entendu que la réutilisation ne porte que sur des documents accessibles en vertu du droit national. Donc, pour la définition du document, nous avons le législateur national a une possibilité, parce que là, il n'y a pas de directive qui définisse ce qu'est le document. Alors, sur la réutilisation, en revanche... La réutilisation, je vous le lis parce que c'est pour ça qu'il y a un problème et que je crois qu'il faut le traiter lorsqu'on va traiter la réutilisation, hein, pour qu'on soit clair et qu'on n'ait pas ensuite... Sinon, c'est nous qui allons interpréter, hein, on fera ce qu'on pourra avec ce que vous nous aurez donné, hein, ce n'est pas nous qui la faisons, la loi. Alors, je vous lis quand même l'exposé des motifs, et puis dans le corps de la directive, c'est à peu près pareil, mais dans l'exposé des motifs de la directive à transposer, comme de la... la présente directive introduit une définition générique du terme document. Comme je disais tout à l'heure, le document, c'est pas ça. C'est beaucoup plus large que ça. C'est numérisé, c'est des flux d'informations, etc. Une définition générique du terme document qui tient compte de l'évolution de la société de l'information. Elle couvre toute représentation d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, quel que soit leur support, écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, détenu par des organismes du secteur public. Un document détenu par un organisme du secteur public est un document dont cet organisme est habilité à autoriser la réutilisation. Mais je rappelle quand même que enfin, c'est clair et net, enfin, dans la directive, que sont réutilisables les documents dont le droit national autorise l'accès. C'est avec ça qu'on va arriver, à mon avis, à cadrer la question. Alors, à partir de là, c'est vrai que ma réaction naturelle... Alors, je suis toujours embêté hein, quand on me pose des questions qui n'ont pas été tranchées par la CADA, parce que normalement, je devrais dire, on verra le jour où on aura le problème, d'autant plus que je vote. Bon. Alors, ceci dit, je ne vais pas me dérober, je vais vous dire ce que j'en pense à l'heure actuelle, avec le droit de trahir si un jour ça devient dans la loi, parce que je garde mon indépendance totale, mais je vais raisonner avec vous et devant vous, et je crois qu'il y a des solutions. Alors, c'est vrai que quand on regarde à partir d'une définition aussi large que ça, enfin, le document, c'est de l'information. Un vieil acte qui est chez les archives, c'est un document d'archives, après avoir été un document administratif. Si ces actes ont été reliés, c'est un registre, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un livre. Et alors, le problème où on recule le plus, effectivement, c'est la Joconde et les tableaux, etc. Alors, parce que intuitivement, on se dit que ce n'est pas des documents administratifs. Et intuitivement, on se dit, ce qui est document administratif, c'est ce qui représente l'œuvre d'art. C'est si j'en fais une image, numérisée ou pas, etc. Tout. Mais le problème, c'est qu'une œuvre d'art, c'est quand même de la communication. C'est quand même un artiste qui vous communique une émotion et qui vous donne une forme qui exprime pas l'œuvre. Le livre, il y a une œuvre incorporelle et ensuite il y a sa traduction matérielle. Alors, c'est vrai qu'on aboutit, on est assez embêté parce que j'ai réfléchi depuis hier. Je me disais, mais alors, l'Assemblée nationale, ce n'est pas un document administratif, enfin, le bâtiment. Alors, je dis, mais c'est un immeuble, alors on est sur du mobilier. Alors, une chaise, ce n'est quand même pas un document administratif. Mais la photographie de la chaise, etc. Alors, l'œuvre d'art, ma première réaction, c'était de dire, quand même, une œuvre d'art. Pas l'œuvre elle-même, mais ses représentations, c'est-à-dire les photos qu'on en prend, les descriptions qu'on en fait. Là, c'est à coup sûr, c'est des documents administratifs au sens le plus générique. Mais l'œuvre elle-même, unique, etc. Il y a une part d'incertitude. Mais alors, le problème, c'est que c'est là que quand on... Alors, je vais vous donner les éléments qui existent actuellement dans la doctrine de la CADA, qui, à mon avis, quand même... sont très en dessous de la question posée, et ensuite la façon dont, à mon avis, il faut traiter la question dans la transposition. Dans la doctrine actuelle de la CADA, qui est très très extensive sur la notion de document administratif, c'est pour ça que j'en vois toujours promener ceux qui veulent me dire qu'il faut remplacer ça par données ou n'importe quoi, parce que le mot information, il englobe les données. La preuve d'ailleurs, c'est que dans la loi CADA, on dit les informations qui comportent des données, donc la bouteille, c'est l'information, et la donnée, c'est ce qu'il y a dedans. Mais peu importe, c'est pas stratégique en fait. Mais ce qu'il y a actuellement dans la doctrine de la CADA, je crois que c'est quand même très en dessous de la question posée, mais quand même, ça crée le danger, et c'est pour ça qu'il faut le traiter au moment de la transposition. Pour vous donner un exemple, nous considérons que les recueils administratifs, c'est des recueils d'actes, c'est des recueils d'arrêtés, etc., tout, qui pourtant sont souvent vendus, en librairie, à la documentation française ou tout, c'est des documents administratifs. Pourtant, c'est des livres. Hein. C'est des livres qui sont... certains sont gratuits, mais pas tous, etc. Et donc, un livre comme ça, le fait de dire que ce n'est pas un document administratif, en tout cas, il y a matière à discuter. Hein. Il y a matière à discuter. La question... Alors, quand la question nous a été posée, nous avons dit que c'était des documents... Nous avons considéré que c'était des documents administratifs. Ça n'a jamais pris des proportions considérables, parce qu'en réalité, le tarif des photocopies fixé sur la base de la loi CADA est tel que c'est plus intéressant d'aller acheter le bouquin en librairie que de se faire facturer les 150 pages, etc. Mais c'est vrai que si on demande la photocopie de la page 14, etc., et comme dans l'accès aux documents administratifs, la question, les droits des tiers sont réservés, mais ils sont réservés pour la réutilisation, mais ce n'est pas un obstacle à la communication. Hein. C'est pas parce que. Donc, ça, c'est la communication, s'il y a des droits. Bon, donc, ils sont simplement réservés. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu le problème, et encore une fois, je vous dis qu'on est très en dessous de la Joconde et des tableaux de maîtres qui sont dans les musées. Il y a eu la question des maquettes. Hein. On a un certain nombre de marchés publics ou de bon, l'administration détient des maquettes. Voilà. Alors, ces maquettes, est-ce que c'est des documents administratifs? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, ceci dit, parfois, il y a des obstacles à leur communication. Ça peut être le secret industriel et commercial. Si, en fait, dans le marché du concurrent, enfin, qui n'a pas, dont le marché n'a pas été retenu, etc., tout, c'est... Et alors, parfois, c'est, enfin, c'est, le plus souvent, c'est la difficulté, c'est le secret industriel et commercial. Et une fois aussi, on a dit, et là, on commence à se rapprocher de la solution, ou des solutions possibles, parce que je crois qu'il y a deux grands types de solutions, où on a dit, une fois, pour une maquette, bah, le droit d'accès s'exercera par consultation, c'est-à-dire en venant voir l'objet, parce que sa reproduction n'est pas techniquement possible. Alors, techniquement, on peut tout faire avec la 3D, etc., tout, mais enfin, elle n'est pas techniquement possible au sens de l'article 4 de la loi CADA. Alors, parce qu'il faut quand même se rappeler que le mode le plus évident d'accès à un document, c'est de venir le voir. C'est de venir le voir. Et alors, il y a a priori aucun des... La Joconde, elle est vue par des millions de personnes. Il n'y a aucun des documents que vous détenez qui ne puisse pas être l'objet d'une consultation des visus. Des visus. Puisque c'est même... Comment paye pour voir la Joconde. Ah oui, mais là... oui, c'est ça. Ah ben, oui, mais là... on n'est pas dans la réutilisation, on est dans l'accès. Et là, en fait, il y a deux grands types de solutions. Il y a deux grands types de solutions possibles. Le premier, puisque le droit d'accès, c'est du droit national, rien n'empêche de dire ne sont pas des documents. On a actuellement un article premier qui dit ce que sont les documents, et de dire éventuellement, sous réserve que le législateur veuille bien, sous réserve que la société l'accepte. Enfin, je veux dire, là c'est du politique. Mais sur le plan du droit, puisque c'est du droit national, je pense qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont exclus de la loi CADA. Bon, rien n'interdirait sans doute de dire ne sont pas des documents. Enfin, je m'avance là, hein, mais puisque vous avez voulu me faire avancer, j'avance. Hein. Bon, bah, après, je pourrais nier, dire j'ai jamais dit ça exactement. Non. Mais non, je crois que rien n'interdit, à mon sens et en l'état actuel de ma réflexion, de dire ne sont pas des documents administratifs au sens de la présente loi. Au sens de la présente loi, les sculptures et les tableaux détenus par les musées ou les objets, etc., détenus par les musées d'archéologie, par exemple, ne sont pas des documents administratifs. Ça, c'est une possibilité. C'est sûrement la plus restrictive. Hein. Ce qui laisse quand même communicable. Je pense qu'il faudrait quand même pas dire ça pour les inventaires ni pour les documents de gestion des musées, etc., tout, parce que là, je pense qu'il y aurait quand même des voix au Parlement et puis éventuellement au Conseil constitutionnel qui pourraient se lever pour dire, c'est quand même des services public. Hein. Bon, mais c'est vrai qu'on voit bien que pour l'œuvre d'art, l'œuvre unique, on pourrait sans doute... Alors l'autre, donc c'est une première possibilité. Alors l'autre possibilité, c'est de traiter la question au niveau de la modalité d'accès, c'est-à-dire de ne pas exclure que ce soit des documents administratifs, même si c'est une injure, mais bon... Et en réalité, de travailler l'article 4, les modalités d'accès, parce que de toute façon, il est totalement inadapté à la communication de la Joconde sur un support identique à celui utilisé par l'administration. Alors ça voudrait dire, en fait, que, je ne sais pas, il faudrait à chaque fois faire une copie conforme, donner une Joconde en plastique ou même une Joconde dans la même matière qu'on irait chercher. Donc de toute façon... À ce moment-là, ça voudrait dire c'est accessible sur représentation photographique, numérisée, etc. Tout. C'est donc de régler la question de la modalité. Alors soit de dire certains sont accessibles uniquement par consultation. On vient le voir. Ça pose quand même des problèmes parce que dans les musées, il y a des réserves. Hein, il y a des trucs qu'on ne montre jamais. Il y a un coût d'entrée. Oui, mais ça, la question de la tarification. Alors, de toute façon, la loi sur l'accès, qui est aussi du domaine national. Là, elle renvoie à un décret qui prévoit 30 centimes pour les photocopies, tant pour les... Alors, évidemment, la question du droit d'accès, ben là, mais là, bon, là, on rencontre à nouveau les problèmes économiques. Mais là, c'est à vous de les régler. Posez-vous ces questions. Vous auriez pu vous les poser quand vous avez négocié. Je pense qu'on a été dans les négociations. En plus, on est nombreux. On est forcé de. Il y a des impératifs politiques. On ménage l'essentiel. On descend pas trop dans le détail, etc. Tout. Mais alors maintenant que vous êtes au niveau de la transposition, posez-vous cette question pour la régler, soit au niveau de la définition du document administratif, soit au niveau de l'accès et de sa tarification, et dans des conditions qui soient acceptables pour les députés, par le Conseil constitutionnel et par le ministre, qui lui aussi peut-être a envie d'ouvrir ou de fermer, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, une autre question, peut-être Hélène Servant. Est-ce que vous avez le micro ? Merci. Merci. Hélène Servant, Service historique de la Défense. Je réagis un petit peu, Monsieur le Président, sur les propos que vous venez d'avoir sur s'occuper de l'article 4, essayer de l'utiliser. Je rappelle quand même que dans l'article 4, il y a une petite incise qui est dit « L'accès se fait au choix du demandeur, petit A, petit B, petit C ». Donc, si vous laissez le demandeur, dis-moi, je n'ai pas envie de me déplacer et je voudrais... un document administratif, parce que j'ai quand même du mal à penser que la Joconde est un document administratif, mais je demande l'accès, je ne veux pas me déplacer, je veux une reproduction, etc. On est quand même difficilement outillé pour lui refuser le choix qu'il a formulé, surtout quand il s'agit d'un document et qu'on peut le photocopier s'il n'est pas relié, etc. Et par ailleurs, je voudrais aussi souligner que la mission des services d'archives public est quand même globalement une mission de mise à disposition d'informations et que donc nous passons notre temps à rédiger des instruments de recherche, des répertoires, enfin tout ce qui peut faciliter l'accès et que nous obligeons même bien plus que les services qui produisent des documents qui tant qu'ils les ont chez eux n'ont pas de répertoire, dès lors qu'ils veulent les transmettre à un service d'archives, nous leur imposons de rédiger au moins un premier jet d'un répertoire sous la forme de ce qu'on appelle un bordereau de versement. Donc nous, les services d'archives par définition ont une mission de service public qui consiste à donner accès à des tonnes et des tonnes d'informations publiques. Donc, c'est peut-être pas si facile que ça. On est très fortement soumis à ces questions de réutilisation. Droit d'accès, réutilisation sont vraiment des questions cruciales pour nous. Ma réponse, elle est que la loi, c'est vous qui allez la faire. L'article 4... L'article 4, c'est un article législatif. Quand on va faire la transposition, on va modifier un certain nombre d'articles législatifs. La question de savoir si, pour les œuvres d'art, la communication se fait au choix ou non de l'intéressé, elle peut être posée. La seule chose, parce que c'est des questions qui nous ont déjà été posées, c'est que, je crois quand même que pour les œuvres d'art, la Joconde, etc., tout, la question, elle se pose et qu'on peut raisonnablement prévoir des modalités particulières d'accès, etc. Tout. Mais elles doivent être traitées dans la loi, il faut les traiter, parce que sinon, si elles ne sont pas traitées, on aura des problèmes. Et simplement, ce qu'il faut dire, c'est la charge des services d'archives, j'en suis parfaitement conscient. Mais, nous, on voit tous les jours des demandes de documents à des petites mairies de 90 personnes, des petites mairies de communes de 90... Enfin, je veux dire, les demandes, la caractère massif des demandes qui est faite, il ne touche pas que les services d'archives. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout... Alors, bon, ceci dit donc... Je veux dire, on peut prévoir des modalités particulières. Je crois qu'il faut en prévoir pour les œuvres d'art. Enfin, il y a un domaine où il faut le prévoir. Mais il faut le prévoir dans des conditions qui ne fassent pas bondir d'autres services qui ont les mêmes charges ou des charges très, très importantes. Et encore une fois, une partie quand même de la réponse, c'est l'ouverture des données publiques pour que, comme on a mis en ligne, il n'y a plus d'accès individuel. Donc l'intéressé, il vous écrit, il ne veut pas se déplacer, il va sur l'écran. Alors, ceci dit, ça ne marche pas pour les données à caractère personnel. Merci. Jean-Philippe Legoix, s'il vous plaît. Et puis, on prendra juste une dernière question, et puis je crois qu'il faudra lever notre séance. Oui, merci beaucoup. J'avais une petite question. Jean-Philippe Le Gouard, responsable d'archives municipales à Sevran et président de l'Association des archivistes français. Et j'avais une petite question pour Monsieur Mochon sur son intervention. Je voulais déjà le remercier sur sa transparence sur le processus décisionnel côté ministère par rapport à cette transposition de la directive. Mais du coup, ça m'interrogeait un petit peu. Je reviendrai surtout pas sur le débat idéologique, voire téléologique sur l'exception culturelle. Vous avez fait un choix, faisons un deuil, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui m'interroge plus, si j'ai bien saisi, dans la directive européenne, il est prévu d'avoir la possibilité de partenariat public-privé avec des clauses d'exclusivité. Si on met en parallèle le fait que le programme de numérisation du patrimoine culturel du ministère, qui existait depuis une dizaine d'années, a été un peu mis en sommeil, si on met en parallèle le fait que les différentes collectivités publiques n'ont pas des budgets florissants, est-ce que vous ne pensez pas que si vraiment la directive est transposée avec cette possibilité de partenariat public-privé, avec clause d'exclusivité, est-ce que vous ne craignez pas que on puisse se dire que c'est une manière de privatiser sans le dire le patrimoine numérique ou le patrimoine numérisé? Parce que du coup, si les différents services culturels n'ont pas de moyens publics pour faire numériser leur patrimoine et sont obligés d'utiliser cette possibilité de partenariat public-privé, est-ce que c'est pas le risque? Merci d'avance. Oui, c'est évidemment un aspect très sensible de la question. Comment vous dire ? La directive introduit des règles, vagues d'ailleurs, enfin des règles quand même, sur les accords, sur les partenariats publics-privés, sur la limitation, en particulier dans le temps, des accords d'exclusivité, et plus encore, des règles spécifiques en ce qui concerne la numérisation de ressources culturelles. Donc, je crois qu'il n'y a pas tellement de doute sur le fait que ces règles nouvelles pour encadrer faiblement, mais encadrer un peu, les accords de partenariat public-privé dans ce domaine spécifique, elles ont vocation à être transposées. On n'a pas encore discuté dans l'interministériel, mais enfin, on a visiblement une règle de droit nouvelle, règle vague, mais enfin existante, et donc qui a matière à être transposée. Après, évidemment, ça s'intègre dans tout le débat sur les moyens publics consacrés à la politique de numérisation, débat qui existe par ailleurs, et sur l'acceptabilité politique ou la volonté politique de la part de la ministre d'aller plus loin, d'encourager des partenariats publics-privés, qui est une question qui se pose à un plan politique. Par ailleurs, se pose aussi une autre question qui est quel partenaire quelle est la demande Mais effectivement, je suis conscient que du fait de l'arrivée d'une règle aussi vague soit-elle, on a mis le doigt sur un sujet assez explosif. Juste quand même, dans les limites quand même de la privatisation, c'est la directive. Là. Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l'expiration de la période d'exclusivité, la dite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. Donc, je veux dire, honnêtement, les possibilités de partenariat elles sont larges, le vêtement il est là, mais enfin, quand même, il y a quand même quelques clauses de sauvegarde. Pardon, un autre aspect important aussi, dans le même ordre d'idée, c'est la nécessité de publicité des accords de partenariat, ce qui est quand même, un sujet intéressant. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'il nous faut lever cette séance. On se retrouve à 14h. Je voulais juste dire qu'effectivement, on l'a évoqué déjà, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des musées, des bibliothèques et des archives parce qu'elles sont réintroduites ou introduites d'une façon très explicite dans le projet de directive actuel. Mais il y a d'autres secteurs du patrimoine aussi qui ne sont pas donc maintenant explicitement cités dans la directive et il faudra s'interroger pour ces autres secteurs du patrimoine. Je pense à l'inventaire général. Je pense à l'archéologie, je pense à certains conservatoires d'histoire naturelle. Enfin bref, il y a d'autres secteurs du patrimoine, donc il faudra cet après-midi d'ailleurs grâce à certaines interventions, nous allons élargir le champ d'ailleurs de nos perspectives. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous et à tout à l'heure.